Ô Père, tu es la lumière qui éclaire le monde. Témoin fidèle, le Saint le véritable, Dieu redoutable, roi de Salem, tu es la lumière de ceux qui vivent dans les ténèbres. Répands ta vie, répands ta joie. Père, lève-toi. Oh oui, lève-toi. Lève-toi. Répands ta lumière. Papa, lève-toi. Lève-toi dans ma vie, la lumière des hommes. Yozanzambe, Ovandibisika, Bilekili, Kolo, Sopangu Yanayo. Ngengi samwida Yozanzambei Ofandi bisika bile kilikolo Sopangu yarayo Ngengi samwida Yawe telema Papa, Téléma, Téléma, Gengi Samwinda, Papa, Téléma, oh, Téléma, Téléma. Yonde mwinda ngomo Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Car Dieu se lève dans le monde et sa lumière apparaît sur la terre. Alléluia. Baba Shimama Shimama Shimama Chusha mwangaza wako Shimama Shimama Shimama Mwangaza ya watu Wewe ni mwanga Ya wale wana ishi mugiza Shusha uzima wako Na Roho Mtakatifu Wewe ni mwanga Ya wale wana ishi mugiza Shusha uzima wako Mutakatifu Shimama Shimama tellement Gengi Samwinda. Père, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi. La lumière des hommes. Lève-toi, papa. Lève-toi dans ma vie.